إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أولا نشكر الله عز وجل لهذه الجلسة ونرجو أن تكون هذه الجلسة علمية ومفيدة وللعلم العلم النافع والعمل الصالح ثانيا نشكر الناس يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله premièrement on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir être assis ici et de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala de son prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسلف الأمة رضي الله تعالى عنهم ainsi que les compagnons du messager d'Allah, radiallahu ta'ala anhum. On remercie aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour, en espérant que cette assise sera profitable et qu'elle soit accompagnée de science et d'une science qui soit profitable aussi et des actions qui suivent cette science. Deuxièmement, on remercie les gens qui nous accueillent, qui font des efforts pour pouvoir organiser ce genre de rencontre, hein, ainsi que de s'organiser pour trouver un lieu pour pouvoir prier et de rassembler les musulmans. Comme l'a mentionné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah. Man la yashkuri an-nas la yashkuri Allah. Hein, celui qui n'a pas remercié les gens n'a pas remercié Allah. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah عز وجل a dit selon le sens des versets: Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Peut-être atteindriez-vous la piété. Ya ayyuha alladhina amanu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Il explique qu'il est l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est un savant dans le tafsir. Il dit lorsque vous entendez ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui croyez, écoutez attentivement. Pourquoi? Ou Allah subhanahu wa ta'ala va vous ordonner un bien, ou Allah subhanahu wa ta'ala va vous interdire un mal. Ya ayyuha alladhina amanu. Tout croyant qui entend ce verset, min Allah subhanahu wa ta'ala, lian al-Qur'an kalam Allah azza wa jal. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لعباده كي دي يا أيها الذين آمنوا الله سبحانه وتعالى lui-même car le Coran est sa parole. Allah عز وجل parle lui-même et interpelle ses serviteurs: Ô vous qui croyez. لكن يا أيها الذين آمنوا, ceux qui croient. Mais ceux qui croient en quoi? كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث حديث أم السنة ce hadith que بإذن الله تعالى la majorité des musulmans connaissent lorsque Jibril عليه الصلاة والسلام le hadith qu'on appelle أم السنة comme Al-Fatiha on l'appelle أم الكتاب أم القرآن la mère du livre pourquoi parce qu'elle englobe tout كذلك هذا الحديث أم السنة ce hadith on l'appelle أم السنة hein, la mère de la sunna. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, il y a tout. Jibril alayhi salatu wa salam vient et demande au prophète sallallahu alayhi wa salam, informe-moi au sujet de la foi. Al-Iman. Qala alayhi salatu wa salam, Al-Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa l'imul akhir wa al-qadar fi khayri wa sharrihi. C'est que tu crois à la foi, c'est que tu crois en quoi? En Allah. Que tu crois en ses anges. En ses livres révélés, en tous les prophètes et messagers, alayhi salatu wa salam, que tu crois dans tout ce qu'il y a après la mort, yom al-akhir, c'est-à-dire tout ce qu'il y a après la mort, jusqu'aux deux destinations finales, al-jannah ou al-nar, le paradis ou l'enfer, et que tu crois au qadar, au destin, dans le bien comme dans le mal. Ya ayyuha alladhina amanu. Celui qui croit en ces six piliers de la foi est interpellé. Allah Azza wa Jal l'exhorte. Et il va lui ordonner. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Oh vous qui croyez, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient déjà quoi? La foi. En ces six piliers que l'on vient de nommer, comme l'a nommé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kutiba alaykum as-siyam. On vous a prescrit le jeûne, c'est-à-dire on vous l'a rendu obligatoire. Pourquoi? Parce que le jeûne n'était pas obligatoire avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 9 ans à jeûner, mais le jeûne n'était pas obligatoire. Au début, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait. Quant à ses compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ils avaient le choix entre jeûner ou nourrir un pauvre. Ou bien jeûner, ou bien nourrir un pauvre. Il n'y avait pas cette obligation claire et nette comme on a dans ce verset. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Là, ça y est, l'obligation est descendue. Allah tabaraka wa ta'ala khalaq al-khalq. Allah subhanahu wa ta'ala a créé sa créature, sa création. Il connaît ses serviteurs mieux que quiconque. Il connaît l'être humain mieux que quiconque. Il sait que l'insan da'if, que l'homme est faible, et qu'il ne peut pas recevoir des interdictions comme ça d'un coup. On trouve certaines personnes, parfois, qui veulent ordonner le bien aux gens. Combien de personnes ordonnent aux autres de jeûner, alors que celui-ci ne fait pas la prière? Combien de gens ordonnent aux autres de jeûner alors qu'il invoque un autre qu'Allah dans ses invocations, alors qu'il égorge des bêtes pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-shirk, l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le plus grand des péchés. Inna Allah la yaghfiru wa yushraka bih. Allah Azza wa Jal mentionne, selon le sens des versets, et certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Cet acte annulatoire de l'islam qui est le shirk, celui qui tombe dans ce péché, qui est le pire des péchés, ce péché-là, celui qui meurt dessus, le prophète sallam il dit, il rentre en enfer. Harama alayhi al-jannah. Et Allah Azza wa Jal lui a interdit d'entrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'il tourne son adoration vers un autre qu'Allah. Son adoration, il la tourne vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Son tawakkul, sa confiance, il la tourne vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawf wa raja, la peur, l'espérance, il les tourne vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sont les adorations du cœur que l'on vient de citer. Mais il en est de même pour ses adorations qui sont bil-lisan al-qawliya, ce qu'il dit. Ces du'as sont tournés vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lil-mayyit mathalan, pour un mort. Ya Sidi Foulan, toi qui es mort, intercède auprès d'Allah et demande-nous ça, ça, ça, ça, ça. Ils les prennent comme intercesseurs entre Allah et eux, comme faisait al-mushrikoun min Quraysh. Lorsqu'on leur disait, pourquoi vous adorez ces statues, ces divinités? Nous les prenons comme intercesseurs entre Allah et nous. Mais ils croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les moments difficiles, ils se tournaient vers Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, elle est fi kitabillahi azza wa jal. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si tu leur demandes, yani les ashabi Quraysh, les mushrikin, aux associateurs de Quraysh, man khalaqa samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le roi dans son royaume, que c'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui fait pousser la végétation, c'est lui qui donne la vie, qui donne la mort. Hal hadha yakfi? La yakfi. Est-ce que cela suffit? Non. Si tu demandes à un juif ou à un chrétien qui a créé les cieux et la terre, qu'est-ce qu'il répondra? Et tu diras, c'est Dieu. Est-ce qu'il y a une différence entre un juif, un chrétien et un musulman ici? Aucune différence. Les trois disent, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, ils donneront, eux, un autre nom. Aucune différence. Ce qui signifie que les prophètes, alayhi salatu wa salam, ne sont pas venus dans leur da'wah, dans leur prêche, seulement pour dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée toutes choses, que c'est Allah qui donne la vie et qui donne la mort. Non. Ils sont venus appuyer sur un point qui est non pas ce qu'Allah azawajal fait envers ses créatures, mais ce que la créature fait envers son créateur. Kayfa ta'budu Allah azawajal subhanahu wa ta'ala? Comment tu adores Allah subhanahu wa ta'ala? Elle est là la différence. Est-ce que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala bil kitabi wa sunnah bi fahmi sahih? Est-ce que tu adores Allah par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une bonne compréhension? Toute la question elle est là. Avant même de faire l'ibadah. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illa hu. Fa'lam al-'ilm. Sache, apprends qu'il n'y a nul digne d'être adoré en vérité que lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici Allah azza wa jal a ordonné. Il nous a ordonné d'apprendre. Fa'lam, yani al-'ilm. Apprends la ilaha illallah. Apprends l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute ta religion elle est basée sur la ilaha illallah. Al-kafir ou al-mushrik yasum wa yusalli, hal salatuhu wa siyamuhu sahih? Batil. Quelqu'un qui n'est pas musulman et qui jeûne ou qui prie, même s'il fait la même prière que nous, mais il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que sa prière elle est valable? Est-ce que son jeûne il est valable? La réponse? La. Jusqu'à ce qu'il témoigne la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc chaque musulman se doit de se poser cette question. Je jeûne dans ce mois de Ramadan, dans ce mois béni, le mois de Ramadan. Mais est-ce que je ne fais pas quelque chose qui puisse annuler mon jeûne? Et pas que mon jeûne, ma prière, mes invocations, mes sadaqat, mes aumônes, mes lectures du Coran, mes visites envers les malades, mes suivis de salat al-janaza, de la prière mortuaire, toutes tes ibadat, toutes tes adorations, est-ce qu'elles sont bien basées sur la ilaha illallah? Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'. Et nous n'avons ordonné que d'adorer Allah d'un culte pur, en toute sincérité, d'un culte pur. Amar Allah azza wa jalla at-tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ici qu'on lui rende l'unicité, qu'on lui rende un culte à lui seul, exclusivement. موسى عليه الصلاة والسلام il demande à Allah subhanahu wa ta'ala apprends-moi un rappel, un dhikr, une invocation par laquelle je peux me rapprocher de toi, mais dans le sens plus que les autres. Il n'y a aucune instauration là-dedans. C'est un prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il connaît son Seigneur mieux que quiconque. Moussa, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla lui répond ? Ya Moussa, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Moussa lui a répondu, tout le monde dit la ilaha illallah. Qu'est-ce qu'a répondu Allah subhanahu wa ta'ala ? S'il y aurait la ilaha illallah entouré d'un cercle, la ilaha illallah aurait brisé ce cercle. Qu'est-ce qu'il a demandé ? Quelque chose qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est exactement ce que toi tu cherches en faisant ton jeûne, en jeûnant durant le mois de Ramadan. De taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala, à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que tu fais par tes prières. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or Allah Azza wa Jal ne lui a pas répondu jeûne ou prie, mais il lui a dit quoi ? Qul la ilaha illallah. La ilaha. Nul digne d'être adoré, en vérité. La ilaha, aucune divinité, ni un ange, ni un djinn, ni une personne, ni l'argent, ni rien de ce bas monde. Aucune créature quelle qu'elle soit. Illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala seul. Wahdahu la sharika lah. Seul. Quand tu as peur d'Allah. Quand tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu cherches le secours, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nous cherchons, nous t'adorons seul, et c'est auprès de toi que nous cherchons le secours. Iyaka. Toi seul. Lorsque tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'espérer en quelqu'un ou tu n'as pas le droit d'avoir peur de quelque chose ? Non. La peur, par exemple, elle se divise en deux. Il y a la peur qui est naturelle. La peur, elle est naturelle. Si on te met avec une bête sauvage dans une cage, tu vas avoir peur. C'est la peur naturelle. Allah Azza wa Jalla, il a créé l'être humain comme ça. La peur qui est interdite, c'est quoi ? C'est une peur d'une des créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, au point de délaisser tes obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on trouve des gens qui ont peur de qui ? Min al-jin, min al-shayatin, min al-jin. Des gens qui ont peur des shayatin, des diables parmi les djinns. Tout le monde connaît ce qu'on appelle les maisons hantées. Ils habitent dans ces maisons, ils habitent dans les endroits où ils sont seuls. Et on trouve des personnes, wali'adhu billah, avant d'emménager dans ces maisons, comme ils entendent des voix, ils entendent des bruits. Or ce n'est rien d'autre que shayatin qui sont dans cette maison, qui veulent faire fuir la personne, parce qu'on les dérange. Alors on lui dit quoi à cette personne-là ? Prends une bête et égorge-la sur le palier de la maison, en offrande pour eux, comme ça ils vont te laisser tranquille. Hada shirku billahi azza wa jal. Et quand tu lui dis pourquoi tu fais ça ? Tu dis mais ils me font peur, je les vois pas, on les voit pas. Est-ce que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala ? Tu as peur d'une chose que tu ne vois pas alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même tu ne le vois pas. Les deux tu ne les vois pas. Or tu as peur de celui qui est créé, non pas de celui qui a créé. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans le Coran, avant de réciter le Coran, de dire « A'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytani ar-rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah. Sami'ul Alim, celui qui entend et qui sait. Dans un autre verset, Al-Basirul Alim, celui qui voit et qui sait. Contre qui ? Minash Shaytani Rajim. Contre le diable lapidé. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces deux versets, mentionne trois noms qui lui appartiennent ? Al-Sami'u, celui qui entend tout. Al-Basiru, celui qui voit tout. Al-Alim, celui qui sait toutes choses. Rien ne peut lui échapper. Ces trois noms-là sont utilisés dans quoi? Dans la recherche du secours contre le diable. Est-ce que le diable, tu le vois? Non. Est-ce que le diable, tu le connais? Non. Est-ce que le diable, tu l'entends? Non. Voilà pourquoi tu cherches refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, huwa as-sami' al-basir wal-alim, celui qui, lui, voit le diable, celui qui entend le diable et celui qui le connaît puisqu'il l'a créé. Tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un ordre. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, l'islam est basé sur 5. Est-ce qu'il commence par le siyam? Est-ce qu'il commence par le hajj ou l'umra? Est-ce qu'il commence par le zakat? Là, il commence par le tawhid, par le tawhid d'Allah azza wa jal. Il commence par l'unicité d'Allah. L'islam est basé sur 5. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, as-salat wa as-zakat wa ramadan, siyam ramadan wa al-hajj wa al-umra. Wa fi riwaya, al-hajj wa al-umra, thumma ramadan, siyam ramadan. Ramadan, il arrive en 4e position. Cela signifie que tu dois parfaire ton jeûne, oui, mais tu dois parfaire aussi ta zakat, si tu remplis les conditions. Tu dois parfaire ta prière. On remonte. Celui qui ne prie pas, mais qui jeûne, est-ce que son jeûne sera accepté? Il a délaissé le deuxième pilier de l'islam, as-salat. Le prophète a dit, si la prière ne passe pas, rien ne passe sur le qiyam. Si la prière ne passe pas, rien ne passe. Ce qui signifie que si elle ne passe pas, le jeûne ne passe pas. Mais avant même la prière, la ilaha illallah, est-ce que tu t'es dénué de toute association à Allah subhanahu wa ta'ala? Mais avant même de te dénuer de ça, il faudrait peut-être que tu sois d'abord au courant, que tu saches qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le tawhid. Allah azza wa jal a démontré des choses, mais il a démontré leur contraire. Ton entrée dans l'islam peut s'annuler, comme par exemple al-shirk, al-shirk al-akbar, la grande association à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ta prière peut s'annuler. Ta prière, elle peut s'annuler. Il y a des annulations dans la prière. Tes ablutions peuvent s'annuler. Il y a des annulations dans les ablutions. Ton jeûne, du mois de Ramadan, il peut s'annuler. Celui qui mange volontairement, il a annulé son jeûne. Dans la prière, celui qui laisse échapper un gaz, il a annulé sa prière. Il en est de même pour les ablutions. Faire les choses, oui, mais il faut apprendre à faire les choses convenablement. Et l'intention envers Allah subhanahu wa ta'ala seul ne suffit pas. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. Chaque acte ne vaut que par son intention. On trouve des gens qui diront, moi je écoute, cette chose-là, je la fais pour Allah. Est-ce que cela suffit? Ce hadith-là, les savants ils disent, il est indissociable avec un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est fi sahih muslim. An Aisha radiallahu anha, qalat, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna, fa huwa rad. Yani mardoud inda Allah azza wa jal. Le deuxième hadith qui est indissociable avec le premier, c'est quoi? Celui qui fait une chose. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit lui-même. Le hadith, il est authentique dans Sahih Muslim. Celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements, c'est quoi les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-kitab wa sunnah. C'est le Coran, le livre d'Allah et sa tradition prophétique, authentique. Elle sera, si elle n'est pas conforme à nos enseignements, elle sera rejetée. Est-ce que l'un d'entre nous aimerait que ses prières elles soient rejetées? Que son jeûne, avec toutes les difficultés qu'il y a dedans, soit rejeté? Non, aucun croyant ne souhaite ça. Au contraire, il souhaite le contraire, que tout soit accepté. As-salaf salih, as-sahaba radiallahu anhum, pendant 6 mois après le mois de Ramadan, il demanda à Allah azza wa jal, pendant 6 mois, Pas une semaine, deux jours, trois jours. Pendant six mois, ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte leur jeûne. Et tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient les autres mois? Ils demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les compte parmi les jeûneurs durant le mois de Ramadan. Le souci, est-ce que mon jeûne est accepté? Est-ce qu'il va être accepté? Pour qu'il soit accepté, il faut que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Ton jeûne, il est voué à Allah subhanahu wa ta'ala seul. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الحديث حديث قدسي قال الله تعالى الصيام لي le jeûne m'appartient. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit qu'Allah سبحانه وتعالى dit un hadith قدسي, c'est pas un verset du Coran, c'est un hadith قدسي, un hadith divin ou الإلهي. Allah عز وجل dit les œuvres du fils d'Adam lui appartiennent. Toutes tes adorations, vas-y, elles t'appartiennent. Illa as-siyam. As-siyam li. Sauf le jeûne m'appartient. Allah Azza wa Jal ici, fil hadith, il a marqué une spécificité sur le jeûne par rapport aux autres adorations. Le jeûne, il m'appartient. Pourquoi? La prière, on te voit la faire. On te voit faire la prière. Une sadaqa, on te voit faire donner une sadaqa. Une aumône. On te voit sourire aux gens. Ça, c'est une sadaqa, ça aussi. On te voit faire le bien. Mais le jeûne, comment est-ce qu'on sait que tu jeûnes? Le jeûne, il est une preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune trace sur le serviteur d'Allah comme quoi il jeûne. Ça ne se voit pas. Là, on sait qu'on jeûne parce qu'on est fichar Ramadan Mubarak, parce qu'on est dans le mois de Ramadan. Mais en dehors du mois de Ramadan, comment sais-tu que la personne jeûne? Hein? On va pas faire comme quand on était petit, fais voir ta langue. Là, ça ne se voit pas. Ce qui montre que le jeûne, As-Siyam, c'est une adoration spécifique qui montre la sincérité du serviteur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il n'y a pas de trace. Et ce jeûne, il doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika la. Jamais le croyant ne cherche l'agrément des gens pour son jeûne. Jusqu'à ce que Ahlul Ilm, les savants mentionnent, ne posent pas la question à quelqu'un s'il jeûne. Quelquefois ça nous arrive, tu jeûnes ou pas? Certains disent ne posent pas la question. Pourquoi? Ou il dit in sa'im, oui effectivement je jeûne, et il se peut qu'il ait de l'ostentation. Tu vas réveiller en lui ar-riya. L'ostentation. Ah, et maintenant ils savent que je jeûne. Son intention qui était pour Allah, comme on a dit, parce que personne ne savait qu'il jeûnait, elle est partagée avec un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une autre deuxième raison pourquoi on ne lui pose pas la question, c'est qu'il a tellement peur de l'ostentation qu'il va mentir. Non, non, je ne jeûne pas. Alors qu'il jeûne. Il jeûne et il ment. Ce n'est pas compatible. Ne demande pas. Donc, ce jeûne, pour qu'il soit accepté, premièrement, il faut qu'il soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu mets l'intention de te conformer à l'ordre d'Allah. Ya ayyuha alladhina amanu wa taqul li nafsik ana minhum insha'Allah. Moi, je suis parmi les croyants. Allah, il a dit, oh vous les croyants, oh vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne. On vous l'a rendu obligatoire. Moi, je fais partie des croyants. Incha'Allah. Est-ce qu'un croyant a le droit de dire, moi, je suis croyant, Incha'Allah? S'il dit, moi, je suis croyant, Incha'Allah, yani, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala me comptera parmi les croyants, yom al-qiyama, la ba's, il n'y a pas de mal. Mais s'il dit, moi, je suis croyant, Incha'Allah, mais il doute qu'il est bien dans la vraie religion, il doute sur l'islam, il doute sur Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est du kufr akbar. Ça fait sortir de l'islam. Donc, il ne peut pas dire ça. S'il le dit, c'est seulement dans l'intention « Ana mu'min insha'Allah » yani, « J'espère qu'Allah me comptera parmi les croyants yom al-qiyam » La ba's. Ça, il n'y a pas de mal. Donc, quand il entend ce verset « Ya ayyuha alladhina amanu wa ana minhum » alors il écoute, ou bien il lit attentivement « Kutiba alaykum as-siyam » On vous a prescrit le jeûne. أمر الله عز وجل كل ما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه القرآن ou fi sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, ibadah. Tout ce qu'Allah a ordonné dans son livre ou dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sache que c'est une adoration. C'est une adoration. Or ici, il a ordonné le jeûne. C'est une adoration. Pourquoi tourner ton jeûne vers un autre qui ne te l'a même pas ordonné? C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui te l'a ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui dois tout. C'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'a laissé jeûner durant ce mois de Ramadan. Des gens ont jeûné avec nous l'année dernière durant le mois de Ramadan. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a repris. Il donne la vie, il donne la mort. Les morts donneraient tout pour revenir et ne jeûner que ne serait-ce qu'un jour. Or ici, Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu du bien. Allah azza wa jal yuhibbu ibadah, il aime ses créatures. Il t'a voulu du bien. Allah azza wa jal t'a aimé, il t'a voulu du bien, il t'a laissé jeûner. Il t'a laissé participer à ce mois de Ramadan. Shahru rahma wal baraka wal maghfirah, ce mois de pardon. Et tu trouves le moyen de faire quoi? De tourner ton jeûne vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Là. Là. Deuxième question que tu dois te poser, maintenant que tu sais, que tu fais partie des croyants, et donc ton Seigneur t'a ordonné de jeûner, et qu'il faut le faire pour lui, ton jeûne est-il convenable? Est-ce que tu jeûnes comme jeûnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On ne parle pas du niveau. Le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu pourras jamais l'atteindre. Le niveau de sahaba radiallahu anhum, tu pourras jamais l'atteindre. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas les suivre? Non, bien au contraire. Quelquefois on parle à des gens, on leur dit, dans votre religion, vous devez suivre ceux qui sont les meilleurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont ses compagnons. La première chose qu'ils te disent, c'est quoi? Mais ça ne sert à rien, on ne pourra jamais atteindre leur niveau. Bah dans ce cas-là, ne suis même pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que son niveau, tu ne pourras jamais l'atteindre. Le seul moyen de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de passer par ses compagnons. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Sur vous ma sunna. Et la sunna de, c'est pas arrêté là. Il aurait pu dire sur vous ma sunna. Ça y est, خلاص. Là. Sur vous ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi. Bien guidés dans tout. Ils ont eu deux guidés. La guidée qui les protège min fitnati shahawat wa min fitnati shubuhat. Une guidée, Ar-Rashidin Mahdihin. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé deux guidées. Ils sont bien guidés. Ils en ont deux. Une guidée par la science qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas tomber dans ce qui est Ash-Shubuhat, tout ce qui est ambiguïté dans la religion, comme le shirk, comme la mécréance, comme les innovations dans la religion, d'adorer Allah d'une manière qu'il n'a jamais légiféré, ni dans son livre, ni dans la sunna. Et ils sont à l'abri d'une autre fitna, fitnatu shahawat. Tout ce qui est les passions, comme la fornication, l'adultère, la triche, le vol, le mensonge, al-namima, le fait de diviser les gens entre eux, etc., etc. Ils ont une guidée parfaite qui les met à l'abri de tout cela. Tu veux être à l'abri de tout cela? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin mahdihim. Soyez sur ma guidée, ma sunna, et sur la sunna des califes bien guidés après moi. Wa afdal minhum Abu Bakr as-Siddiq. ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. Tu veux suivre le prophète convenablement dans ton jeûne, hein? Tu veux que ton jeûne soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu veux jeûner comme lui? Jeûne déjà comme ses compagnons. Regarde comment les sahaba رضي الله عنهم ils jeûnaient. Tu ne peux pas accéder au jeûne du messager d'Allah alayhi salatu wasalam dans la manière si tu n'as pas accédé déjà au jeûne des sahaba radhiyallahu anhum, puisque ce sont eux-mêmes qui t'ont décrit comment ils jeûnaient. Qu'est-ce qu'on trouve dans le hadith? An Aisha radhiyallahu anha, an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, an Umar ibn Khattab, an Ali ibn Abi Talib, an Uthman ibn Affan, an. Les hadiths, ils passent par qui? Par sahaba. Et tu veux comprendre l'islam, et tu veux comprendre l'unicité d'Allah, et tu veux comprendre la prière, tu veux comprendre le zakat, tu veux comprendre le jeûne du mois de Ramadan, a une autre compréhension que ses compagnons. C'est impossible. Puisque le prophète lui-même te dit ma sunna et leur sunna. Pourquoi? Parce que c'est la même. Tout simplement, parce que c'est la même. C'est la même sunna. Les sahaba, ils ont pris leur science d'où? Comment ils ont su qu'il fallait jeûner? Et comment il fallait jeûner? Chez le prophète, forcément. Tout simplement, ils n'ont pas été chercher ailleurs. Des règles qui sont simples. Des bases qui sont simples. Quand tu construis une maison, il faut qu'elle soit sur de bonnes bases. Parce qu'au moindre coup de vent, à la moindre tempête, ta maison, elle ne tiendra plus debout. Ta religion, c'est pareil. Si ta religion, elle n'est pas basée sur la ilaha illallah, en ayant bien compris le sens, et elle n'est pas basée sur le deuxième pilier, si elle n'est pas basée sur le deuxième pilier qui est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment veux-tu que ta religion, tu la tiennes? Voilà pourquoi on trouve aujourd'hui des gens qui commencent la prière et qui l'arrêtent, qui jeûnent de temps en temps, des gens qui n'arrivent même plus à jeûner, des gens qui jeûnent et pour le ftour, ils coupent avec une cigarette. Voilà où est-ce qu'on en est. Parce qu'il n'y a pas les bases de cette religion. Wallahi, si les gens connaîtraient leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullahi azza wa jal, s'ils savaient qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et tu crois qu'on va te questionner sur quoi dans la tombe? La première question, c'est quoi? C'est quoi la première question? Hein? Man rabbuk? Qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Qui est Allah subhanahu wa ta'ala? Non? وحده لا شريك له من ربك ومعرفة الله عز وجل بكتابه بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسمائه وصفاته وأحكامه وشريعته وأفعاله سبحانه وتعالى. Tu connaîtras Allah par ses noms. En étudiant ses noms, les noms d'Allah, vous savez tous qu'Allah a nous a informé de 99 noms, mais il en a plus, dont il ne nous a pas informé. Est-ce que, ne serait-ce que ces 99 noms-là, tu les connais? Est-ce que tu as compris leur sens? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a ordonné de l'adorer, de l'invoquer par ses noms. فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartiennent les plus beaux noms, les noms parfaits, invoquez-le par ses noms. Mais comment veux-tu répondre à cet ordre d'Allah si tu ne connais même pas les noms, si tu ne les as même pas appris? Avant de connaître les gens, apprends qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux connaître les gens, apprends qui est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, apprends qui sont les autres prophètes, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiallahu ta'ala anhum. Vous voyez bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis un ordre dans chaque chose. Ton jeûne, il faut qu'il soit solide. Chacun de nous veut rendre son jeûne parfait. Il veut parfaire son jeûne. C'est une ibadah, Allah m'a ordonné, alors je vais le rendre du mieux possible, afin qu'il soit accepté. Tu mets tout ton possible, tout de ton côté, afin qu'il soit accepté. Indallah azza wa jal. Pourquoi? Parce que tu souhaites tout simplement la récompense. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan en ayant la foi, en ayant la foi en qui? Imanan billahi azza wa jalla, en ayant foi en Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, et en espérant quoi? La récompense yawm al-qiyamah, que ce jeûne-là, il sera peut-être la chose qui pèsera sur la balance et qui fera en sorte que tu rentreras au paradis. C'est ce jeûne-là qui a pesé, c'est ce jeûne-là qui va intercéder pour toi. Voilà où il est ton souci. Est-ce que mon jeûne, il est accepté? Est-ce que yawm al-qiyamah, je vais voir le fruit de mon jeûne? Ou bien j'ai cru faire quelque chose, mais en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala me l'a rejeté, ou voire même il me l'a annulé. Iman wa ihtisaban. Quoi en échange? Tous ses péchés lui sont pardonnés. Est-ce que l'un d'entre nous, il ne souhaite pas cette chose-là? Tous tes péchés pardonnés? Et chacun sait les péchés qu'il a commis durant sa vie. Chacun sait les péchés qu'il a commis durant sa vie. Tu as l'occasion, durant ce mois-là, de te faire pardonner tous tes péchés. Quant au grand péché, il va falloir que tu te repentes sincèrement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu le délaisses, ce grand péché, sur le champ. Que tu regrettes ce grand péché. Et que tu décides fermement de ne plus recommencer. Ne rentre pas dans le piège où Shaitan il va dire, tu sais très bien que tu recommenceras. Ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu ne sais pas si tu vas recommencer. Tu seras peut-être mort juste après ton repentir. Et même si tu recommences, tu recommences ton repentir. Tu recommences le péché et ton repentir. Il n'y a pas de limite pour le repentir. La seule limite, c'est quoi? C'est ta mort et lorsque le soleil se lèvera à l'ouest et non plus à l'est. Tant que ces deux-là ne sont pas arrivés, tu peux te repentir. C'est compliqué à un musulman de se repentir, non? Il lève les mains, il demande pardon. Ça, c'est le minimum. Lève tes mains, tes'al, et tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec les conditions que l'on vient de citer. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladhina min qablikum. On vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala connaît ses créatures. Il sait que le jeûne est difficile pour sa créature. C'est pas facile de jeûner. Alhamdulillah, s'il y en a, ils ont la facilité là-dedans. Chacun a une facilité dans une ibadah. Allah azawajal a mentionné comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Il aurait pu ne pas mentionner cette chose-là. Mais il l'a mentionné pourquoi? Pour montrer que chez les prophètes d'avant, les messagers d'avant, eux aussi ils jeûnaient. Que les peuples d'avant jeûnaient. C'est-à-dire, vous allez être dans la difficulté parce que vous allez jeûner. Mais ceux qui étaient avant vous aussi ont connu cette difficulté, ils ont jeûné. Et l'insan, il est connu pourquoi? Et ça, chacun d'entre nous le sait. Hein, quand quelqu'un est dans la même galère que toi, ça a tendance à te soulager. C'est pas que tu souhaites le mal pour le frère, mais l'insan, il est comme ça, l'être humain, il est comme ça. On entend des gens qui parlent à l'autre, « Ah, toi aussi, t'es... » C'est à peine si tu dis pas « Alhamdulillah ». Alors que les deux, ils sont dans un grand problème. Mais ça le réconforte, c'est sa nature. L'insan, il est comme ça, l'être humain. Ceux d'avant vous ont connu cette difficulté de jeûner, comme vous, vous la connaissez. L'odeur de la laine du jeûneur auprès d'Allah, l'odeur de quoi? Du musc. Une chose qui peut être dure pour toi, voire même tu n'aimes pas. Qui aime l'odeur du jeûneur? Personne. Elle est aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les pèlerins, quand ils font leur pèlerinage, remplis de poussière, avec un morceau de tissu en haut, un morceau de tissu en bas, rien d'autre, remplis de poussière, fatigués. Tout le monde te le dira. Tout le monde est pressé de remettre le qamis, le shashia, le shimar. Ça, c'est pénible pour le serviteur. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, yom arafa, il descend au premier ciel et il dit aux anges, regardez mes serviteurs, ils sont venus me demander pardon, je vous prends à témoin que je leur pardonne. Allah azza wa jal aime ses serviteurs lorsqu'ils viennent dans cet état-là. Mais cet état-là, à toi, il t'est pénible. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette chose-là. Il aime cette chose-là. Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. La'allakum tattaqoun. Peut-être allez-vous atteindre quoi? La piété. La sagesse du jeûne, elle est là. Elle est dans cette partie du verset. Vous allez jeûner, pourquoi? Pour atteindre une certaine piété. C'est quoi la piété? C'est faire ce qu'Allah t'a ordonné. Ala nourin min Allah. Avec science. Comment veux-tu faire ce qu'Allah t'a ordonné si tu ne sais pas? Si tu n'as pas de science? Avec science. En espérant la récompense d'Allah. Mais cela ne suffit pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le bien. Or, celui qui fait du bien, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas de mal. Ta'awanu ala al-bir wa al-taqwa. Allah Azza wa Jalla a dit, entraidez-vous sur le bien et la piété. Donc, il a bien distingué les deux. La taqwa, c'est quoi? C'est le bien compris, mais c'est aussi le fait de délaisser ce qu'Allah t'a interdit à la nourin min Allah. Avec science, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, il vit entre ces deux choses-là, entre la peur et l'espérance. Et il est équilibré là-dedans. Autant il a peur qu'autant il espère. Autant il a peur que son jeûne ne soit pas accepté, autant il espère que son jeûne soit accepté. Il est dans cette balance, cet équilibre. Accompagné de quoi ? Bit-ta'zimi wal-mahabba. Accompagné de la grandeur d'Allah. Il rend cette grandeur à Allah subhanahu wa ta'ala et il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime celui envers qui il jeûne. Et ça, tu l'as fi surat al-Fatiha. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Ta'zim wal mahabba. Louange au Seigneur des mondes. Ce Seigneur des mondes, là, il y a la grandeur rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Le miséricordieux, le tout miséricordieux. Là, tu espères. Il y a l'espérance qu'Allah va te faire miséricorde. Maliki yumiddin. Le Seigneur du roi du jour de la résurrection, du jour de la rétribution. Là, tu as peur. Pourquoi ? Parce qu'il y a un roi, tu fais partie de son royaume et tu devrais être jugé devant lui. Wal-malik, wa-anta min mulkihi, wa-anta fi mulkihi. Comme ils disaient les pieux prédécesseurs, salaf al-salah, radiallahu anhum, si tu veux commettre un péché d'Allah, ne le commets ni dans les cieux, ni dans le royaume, ne le commets pas dans le royaume d'Allah, ni dans les cieux, ni sur terre. Parce que c'est le royaume d'Allah. Et tu ne dois pas lui désobéir. Tu vas le faire où ? C'est impossible. C'est impossible. La sagesse du jeûne, c'est d'acquérir cette crainte d'Allah. Celui qui commettait les grands péchés avant le mois de Ramadan, bi'idhnillahi ta'ala, s'il jeûne convenablement, en étant sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, ba'd Ramadan, il ne fait plus ses grands péchés. S'il faisait des petits péchés, hein, il ne les fait plus après le mois de Ramadan. Celui qui avait un vice, comme fumer, ou boire, ou commettre l'adultère, la fornication, ou mentir, ou tricher, ou voler, ba'da Ramadan, bi'idhnillahi ta'ala, il a délaissé tout ça. Tattawakul Allah azza wa jal. La hawla wa la quwata illa billah. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il a expliqué cette parole, qui est une grande parole, qui est un trésor, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla. En français, on le traduit. C'est quoi la traduction qu'il donne ? Nulle force. Ni, pas de puissance ni de force qu'en Allah. La hawla fi ta'atillahi azza wa jal. Wa la quwwata fi ijtinab al-haram. Illa billah. Sans la puissance, sans la force d'Allah, tu ne pourrais faire ce qu'Allah t'a ordonné de faire. Hada, la hawla. Wa la quwwata. Sans la puissance d'Allah, la force d'Allah, tu ne pourrais t'éloigner de ce qu'Allah t'a interdit. Illa billah, que par Allah subhanahu wa ta'ala. Tes péchés, bi'idhnillah, tu peux les laisser. Bi'idhnillah, on ne dit pas que ce sera facile, parce que tu t'es habitué à faire ça. Mais bi'idhnillah, Allah azza wa jal n'abandonne pas un croyant. Le croyant, al-muslim, indallah, azza wa jal, wa azim. Dites-le. Regardez tous les droits qu'un croyant a. Il faut le visiter quand il est malade, il faut lui répondre Yarhamukallah lorsqu'il dit Alhamdulillah après avoir éternué. Et d'autres, lui passer le salam, répondre à son salam et d'autres droits encore. Ça veut dire quoi ça ? Qui nous a ordonné ces droits ? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que le croyant il est grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne désespère pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le diable qui essaie de te faire désespérer. Combien de jeunes tu trouves aujourd'hui, ils ne jeûnent même plus le mois de Ramadan. Alors qu'avant ça ne se voyait pas ça. Aujourd'hui, tu vois des jeunes musulmans qui ne jeûnent plus. Pourquoi tu ne jeûnes pas ? Eh, ça ne sert à rien avec tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Tout le haram que je fais, ça ne sert à rien que je jeûne. Quand tu lui dis pourquoi tu ne pries pas, je fais trop de bêtises. Quand j'arrêterai mes bêtises, je jeûnerai. Non, c'est le contraire. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et certes, la prière éloigne des turpitudes et des péchés, et non pas l'inverse. Lorsque tu feras ta prière, tu vas arrêter ça, Inch'Allah. Wasta'inu bis sabri wa salah. Chercher refuge, le secours auprès, dans l'endurance et quoi ? Et la prière, afin que votre jeûne soit convenable, qu'il soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu azza wa jal an yataqabbal minna wa minkum as-siyam wal qiyam wa an yaj'alana min as-sa'imin fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Barakallahu li wa lakum.